Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est la saison des festivals d'histoire. Et oui, malgré le confinement, deux festivals d'histoire ont décidé d'exister envers et contre tout, dans une version numérique et à distance bien sûr. Alors que le festival Histoire Cité de Genève se consacre au voyage et au tourisme pour nous prendre par la main au fil des voyages immobiles auxquels nous sommes contraints en temps d'épidémie, l'Histoire à venir de Toulouse se consacre au faux. Et c'est justement de mystification dont il est question dans l'actualité. La Bibliothèque nationale d'Espagne a décidé de porter plainte pour le vol du Sidereus Nuncius, un précieux manuscrit de Galilée et un vol commis il y a maintenant plus de 20 ans. La réaction semble un peu tardive, mais voilà, ce n'est qu'en 2014 que les conservateurs ont constaté la mort dans l'âme que leur exemplaire de ce manuel d'astronomie du XVIIe siècle avait été remplacé par un faux. À tel point que l'établissement n'a signalé son vol que 4 ans plus tard, en 2018. Ce manuscrit de Galilée, c'est un manuel d'utilisation de la lunette astronomique de son invention et les observations qu'elle lui permettait alors dans le ciel de Florence. Un livre qu'on s'est arraché au moment de sa mise en vente et un objet devenu un vrai casse-tête pour les spécialistes appelés à se prononcer sur l'authenticité des quelques exemplaires qui circulent encore aujourd'hui. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Alexandre Lemonnier nous raconte son parcours en introduction de l'ouvrage collectif paru aux éditions Zone Sensible, SNML, Anatomie d'une contrefaçon, consacré à un autre exemplaire douteux et pourtant magnifique du même manuscrit. Le Sidereus Nuncius, c'est le grand ouvrage de Galilée, celui qui le fait connaître et dont il a l'idée un soir de désarroi sur son balcon de Florence. Le Sénat de Venise vient alors de lui retirer l'augmentation de salaire qui lui avait été allouée pour l'invention de son télescope. L'instrument devenu obsolète ne méritait plus aux yeux de la puissance publique d'une telle largesse. Nous sommes en 1609 et ce soir-là, au lieu de pointer son fameux télescope tombé en disgrâce sur la Terre, il le tourne vers le ciel. Le ciel, jusque-là, c'est le précaré de l'église, et mieux vaut ne pas s'y frotter pour éviter les ennuis. Déchiffrer les cieux, c'était prendre le risque de contrarier les doctrines officielles sur la demeure divine, et partant de là, sur Dieu lui-même et la nature humaine, sujet sensible au possible, souffler sur les braises de la controverse avec l'église promettait de mauvais jours à celui qui osait s'y frotter. Ce soir-là, donc, Galilée met le doigt dans l'engrenage qui lui vaudra un procès et une condamnation retentissante par l'Inquisition 20 ans plus tard pour avoir osé affirmer que la Terre n'était pas immobile et même qu'elle tournait autour du Soleil. Mais Galilée n'en est pas encore là en 1609. Il ose scruter le plafond céleste en attendant des jours meilleurs et observe les montagnes lunaires qui contrarient déjà directement la cosmologie aristotélicienne qui a établi que l'astre de la nuit était lisse. Pris par ces étonnantes observations, Galilée découvre aussi d'autres lunes, les satellites de Jupiter, puis celles des Pléiades de la constellation du Taureau. Le livre Sidereus Nuncius naît de ces observations sous le parrainage, la meilleure assurance juridique du temps, de Côme II de Médicis. Présenté à la foire du livre de Francfort en 1610, les 550 exemplaires de la première édition circulent immédiatement et impressionnent l'Europe savante. Le Sidereus Nuncius est devenu un best-seller dont il ne reste aujourd'hui que 82 exemplaires connus, qui s'échangent pour des sommes astronomiques et nous permettent surtout de suivre les rebondissements de cette enquête savante sur les avantages et les inconvénients du vrai et du faux.